Vous m'en lirez tant, votre émission littéraire présentée par Mona. Bonjour à tous. Le décès en décembre 2015 de Jean-Marie Pelt n'a pas suscité l'engouement des médias qui en ont peu parlé. Pourtant, cet homme extraordinaire méritait un hommage plus conséquent. Aussi, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Paul Couturiot, qui a écrit sa biographie « L'âme de la nature », publiée chez Genèse Éditions, et qui a coécrit le scénario du film documentaire « Jean-Marie Pelt, le jardinier du bon Dieu » qui vient de sortir. Bonjour Paul. Bonjour Mona. Alors vous êtes plutôt connu comme romancier. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce scénario et cette biographie ? Alors en fait, je suis effectivement romancier, mais avant ça, j'ai travaillé longtemps aux éditions du Rocher, où j'avais créé une collection en 81 qui s'intitulait « L'esprit et la matière », qui parlait de la science, mais de la science dans ses rapports avec la spiritualité, donc dans la démarche de la physique quantique, qui voyait la réalité sous un jour beaucoup plus ouvert que la science dure qu'on avait connue jusque-là. Et à l'époque, je cherchais à alimenter cette collection, et Jean-Marie Pelt a été un auteur dont j'avais découvert les ouvrages quelque temps avant, et j'aurais bien aimé amener dans ma collection. Alors bon, ben voilà, il était chez Fayard, moi aux éditions du Rocher. À l'époque, on ne passait pas de Fayard au Rocher. Aujourd'hui, bon, le Rocher a connu une évolution quand même intéressante. Donc je n'ai pas eu la chance d'avoir Jean-Marie Pelt dans mes auteurs, et ça s'est fait beaucoup plus tard, notre rencontre, à l'occasion du tournage du film de Patrick Basso, dont j'étais l'auteur scénariste, sur Robert Schumann. Comme Jean-Marie avait été un proche de Robert Schumann, qu'il allait souvent rendre visite à Schumann, on l'a interviewé. Et on a été tellement tous sous le charme de cet homme qui était un vrai humaniste, un homme qui dégageait une bienveillance, comme je disais hier au terme de la projection, la première du documentaire qu'on lui a consacré. Quand on allait le voir, mais toute l'équipe, que ce soit le réalisateur jusqu'au technicien, au preneur de son, maquilleuse, tout le monde, on sortait de là et on avait l'impression d'être beaucoup plus riche que quand on était arrivé. Je ne parle pas de finances là, mais d'une richesse intérieure, bien sûr. Alors parlons d'abord du film documentaire Jean-Marie Pelt, le jardinier du bon Dieu. Alors quelle en a été la genèse ? Alors justement, lors des interviews que j'avais menées dans le cadre du film sur Robert Schumann, moi j'ai eu l'impression que Jean-Marie Pelt était un merveilleux conteur. En plus d'être cet humaniste dont je parlais, c'est un merveilleux conteur. C'est quelqu'un qui a l'art de parler, d'emporter son public. Et je trouvais dommage d'avoir perdu le lien avec lui, le contact à l'issue de ce documentaire sur Schumann. Et un an après, j'ai dit à Patrick Basso, donc, je lui ai dit, il faut qu'on fasse un documentaire sur Jean-Marie Pelt. Alors, lui était partant, bien sûr. Alors, j'ai appelé Jean-Marie, je suis allé le voir à Altroff, et il m'a dit, vous croyez vraiment que... Alors, j'ai dit, oui, rendez-vous compte, vous êtes quand même une personnalité importante, les idées que vous défendez, etc. Et il a dit, écoutez, si vous croyez, mais vous avez une façon d'appréhender les choses, vous avez déjà une idée. Alors je lui ai exposé l'idée que j'avais, à savoir partir d'une réponse qu'il avait faite à Jacques Chancel lors d'un radioscopie. Mon enfance est un jardin, ma vie est un jardin, et d'aller se balader dans les différents jardins de Jean-Marie Pelt, le jardin de l'enfance, le jardin de terre, le jardin de la ville, le jardin de l'esprit, de l'âme. Et l'idée lui a plu. Et quand il a su que ce serait la même équipe avec qui il avait travaillé sur le Schumann, il a dit banco, on y va. Et là, on a eu la chance que le conseil général a été séduit par le projet. Puis après, on a trouvé le producteur idoine Dominique Hennequin, qui en plus a réalisé une merveilleuse série de documentaires sur la nature, son plus ou moins 5 mètres, qui est passé sur Arte juste à l'époque de la COP21. Donc voilà, la chimie s'est mise en place. On a eu énormément de chance parce que quand on a les gens qu'on a voulu avoir dans le film ont tous répondu présent. Depuis Denis Chessou, qui est l'animateur qu'on connaît sur France Inter, jusqu'à Pierre Rabhi. Voilà, en passant par Jacques Florentin, même Trine Swantwan et l'astrophysicien. Tout le monde a répondu présent directement, et ça c'était très émouvant parce que ça montre aussi la chaleur qui émanait de Jean-Marie Pelt et le fait que ben voilà, quels que soient les personnages aussi célèbres qu'ils soient, ils étaient tous présent pour contribuer à cet hommage qu'on lui a rendu, en quelque sorte. Alors, ce documentaire sera diffusé sur France 3 Lorraine Champagne-Ardenne le lundi 12 décembre après le soir 3 et le vendredi 23 décembre à 20h50 sur TV Mirabel. Oui, pour en hommage, en quelque sorte, à l'occasion du premier anniversaire du décès de Jean-Marie, malheureusement. Oui. Alors, parlons maintenant du livre « L'âme de la nature ». Alors, chez les Pelt, on était jardiniers de père en fils. Racontez-nous l'enfance du petit Jean-Marie. Quand vous parlez avec Jean-Marie, il vous dirait, s'il était là, il vous dirait qu'il a eu une enfance très heureuse. C'est vraiment un enfant du pays des trois frontières, comme Robert Schumann. C'était un point commun entre les deux hommes, puisqu'il est né à Rodemack, et qu'il est vraiment très enraciné. Il est toujours resté très enraciné dans la terre de Rodemack, parce que c'est un endroit où il a été très heureux. Il raconte notamment qu'il était très proche de son grand-père, et que son grand-père, dès qu'il sortait de l'école, il allait rejoindre son grand-père, qui était un jardinier merveilleux, qui avait... J'aimais bien cette anecdote parce que son grand-père avait racheté un lopin de terre à un voisin qui ne s'en sortait pas et qui ne savait rien en faire de cette terre parce que c'était un terrain en pente. Et lui, le grand-père de Jean-Marie Pelt, en a fait un terrain merveilleux, un jardin merveilleux, un jardin en terrasse, comme il disait, qui lui faisait penser aux terrasses suspendues, n'est-ce pas, et au jardin suspendu de Babylone. Et il allait là, et son grand-père lui expliquait la vie de la nature. Il lui racontait des histoires sur les fleurs, sur le rapport des fleurs aux insectes, pourquoi les fleurs se faisaient si belles, pourquoi elles diffusaient un parfum aussi charmeur, voilà, pour séduire l'insecte, puisque, comme il disait, un homme et une femme, quand ils se rencontrent, ils sont attirés, ils vont l'un vers l'autre. Les fleurs ne peuvent pas faire ça, elles sont ancrées dans le sol, donc elles ont besoin d'un médiateur. Le médiateur, c'était l'insecte. Et puis, il y avait les histoires inspirées des contes traditionnels. Et puis, il y avait aussi des histoires inspirées de la Bible. Et tout ça s'est mêlé chez cet enfant pour, je pense, développer en lui ce don de conteur, pour développer en lui cet amour de la nature. Et aussi cette spiritualité qui l'a accompagné toute sa vie, parce que Jean-Marie Pelt était un croyant, mais même si lui se disait catholique, mais c'était un croyant avant tout, qui avait foi en Dieu, mais qui avait surtout aussi, je dirais, foi en l'homme, et qui était plus l'homme d'une croyance que d'une église. Alors nous allons faire une pause musicale et nous allons écouter La maison près de la fontaine de Nino Ferrer. La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignée, sentez la confiture et le désordre et l'obscurité. L'automne il y avait le silence, les guêpes et les nids des oiseaux. On avait la pêche aux écrevisses avec monsieur curé. On se baignait tout nu, tout noir, avec les petites filles. Alors nous sommes toujours avec Paul Couturiot qui est venu nous parler de L'âme de la nature, une biographie consacrée à Jean-Marie Pelt. Donc après l'enfance vient le temps des études, bien sûr, nombreuses, et sa rencontre avec Robert Schumann. Oui, alors le temps des études, c'est vrai qu'il avait une espèce de boulimie d'apprendre, de connaissances, et en fait il en aurait encore continué plus, sauf, raconte-t-il, il a arrêté ses études à cause d'une confiture de myrtille, de groseille, effectivement, de groseille. Je mélange les baies. Et oui, parce qu'à un moment, sa mère l'appelait, il était en train d'étudier en lui disant « mais viens m'aider !» Voilà. Et elle lui dit « mais attends, tu vas étudier jusque quand là ?» Parce qu'il avait déjà beaucoup de diplômes à son actif et il voulait continuer. Et là, il s'est dit « ben oui, finalement, les groseilles, c'est quand même plus important que… » Voilà, enfin, je caricature un petit peu, mais il racontait cette histoire avec beaucoup d'humour. Et donc oui, il s'est aussi lancé dans l'enseignement. Il a enchaîné en devenant professeur et là, c'est assez merveilleux la manière dont il parle de ses rapports avec les élèves. Il raconte, et dans le film qui passera donc le 12 sur France 3, le 12 décembre, il raconte cette anecdote d'une étudiante. Et il lui dit, elle m'avait vraiment tapé dans l'œil. Elle ressemblait à Brigitte Bardot. Et donc, elle tire sa question, c'est sur la colchique. Et elle dit, la colchique est un grand arbre exotique qu'il faut arroser pour qu'il pousse. Bon, il a essayé de la rattraper. Elle s'enfonçait de plus en plus. Donc, il a arrêté le massacre. Mais il ne lui a pas donné de notes éliminatoires parce qu'il était incapable de donner des notes éliminatoires. Et pas seulement parce qu'elle ressemblait à Brigitte Bardot, mais parce qu'il n'a jamais donné de notes éliminatoires aux étudiants. Parce qu'il partait du principe que chaque étudiant avait une richesse et que c'était cette richesse qu'il fallait amener à exprimer. Et voilà, et que ce qui lui mettait à dos le reste de ses collègues, qu'il trouvait qu'il était beaucoup trop laxiste et qu'il notait trop haut. Mais lui, c'était pas ça l'important. Il y avait autre chose. Voilà. Et parallèlement à ça, il a eu un engagement aussi politique assez jeune et il a rencontré Robert Schumann, puisque c'est sa tante qui avait trouvé la maison de Cichazelle pour Robert Schumann, que quand même il y avait des affinités, des connaissances familiales, des liens familiaux, enfin des amitiés plutôt, entre les deux familles. Et il allait régulièrement rendre visite à Robert Schumann. Et c'est assez touchant la manière dont il en parle, parce qu'on se rend compte qu'à l'époque, les politiciens n'étaient pas seulement des gens qui pensaient à leur réélection et qui pensaient à s'en... Allez, bon, je vais arrêter. Voilà, enfin, à ce qu'on voit aujourd'hui partout, quoi. Et oui. Voilà. Robert Schumann, quand il était ministre, président du conseil, chaque fois qu'il quittait les locaux du ministère, il était le dernier déjà à partir, et il allait éteindre les lumières que ses collaborateurs avaient laissées allumées, parce qu'il disait non, il faut économiser l'énergie, c'est du gaspillage, c'est pas bien. Et puis il rentrait chez lui le week-end à Cichazelle. Il n'avait pas une voiture de fonction, enfin il n'en a jamais voulu. Mmh. Il ne voulait pas les escortes policières. Il rentrait en train. Et quand il arrivait en gare de Metz, il prenait un bus jusqu'à Cichazelle. Mmh. Et là, il allait rendre visite aux gens du village, prendre des nouvelles de ceux qui étaient malades, etc. Il y avait vraiment un dévouement et une simplicité, une humilité qui fait justement les grands hommes. C'est pour ça qu'on n'a sans doute plus de grands hommes aujourd'hui. Oui. Je parle dans le monde de la politique, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, Jean-Marie Pelle te disait, les hommes politiques que j'aime ne sont jamais ceux qui réussissent. Bien entendu, puisque ceux qui réussissent pensent à eux, alors oui, que oui. Ceux qui en valent la peine pensent au peuple, aux plus petits. Et ça, c'est évidemment, il ne faut pas faire. Faut, oui, oui. Ça n'arrange pas les banques, ça n'arrange pas les entreprises. Voilà, bref, l'establishment. Oui. Alors, il pensait que, Jean-Marie Pelle, qu'il fallait éduquer les enfants dès leur plus jeune âge, à respecter la nature, à apprendre à jardiner. Dans le livre, il y a d'ailleurs beaucoup de conseils pratiques pour apprendre à jardiner. Il pensait que beaucoup d'entre nous sont déconnectés de la nature et qu'en conséquence, on est moins sensible à l'urgence de sauver la terre qui nous nourrit, mais aussi qui nous guérit. Oui. Pour lui, le jardin d'enfants devait véritablement être un jardin pour les enfants. Et quand il est arrivé quand il s'est investi en politique, après avoir été vraiment appelé, avoir refusé, et puis finalement il a accepté de suivre Jean-Marie Roche dans sa campagne pour la mairie de Metz. Mmh. Et heureusement qu'il l'a fait d'ailleurs. Une des premières mesures qu'il a prises, ça a été de remettre de la verdure dans les cours de récréation, dans les cours d'école, et de ramener les enfants vers la nature. Et il disait aujourd'hui, le grand drame, c'est que les ministres de l'éducation et leurs proches, donc le ministère de l'éducation, ont peur de la nature. Emmener les enfants promener dans les bois, mais on ne le fait pratiquement plus. Les enfants, quand on leur demande de dessiner un poisson, dessinent une espèce de parallélépipède, voilà, parce qu'ils connaissent le poisson pané, mais plus les poissons qui vivent dans la nature. Donc, pour lui, c'était vraiment un problème, cette manière qu'on a d'éloigner les jeunes de la nature, parce qu'évidemment, ben, les habitudes prises dans le plus jeune âge, on les conserve plus tard. Et il dit, si l'éducation nationale a tellement peur de la nature, c'est parce que c'est cette peur que la nature agresse. Donc, vous emmenez les enfants, ben, ils vont rentrer, ils vont être sales peut-être, les parents vont se plaindre que les pantalons ou les robes des petites filles sont salies, ou bien qu'un enfant a les genoux en sang parce qu'il est tombé. Et donc, il faut éviter ça. Et du coup, on enferme les enfants, on ne les laisse plus développer leur lien à la nature, qui est pourtant essentiel à notre avenir. Après, on s'étonne que les politiques et les gens en place ne se rendent pas compte que la nature est vraiment notre source de salut et qu'il faut la protéger. Et que, voilà. Alors, heureusement, il y a quand même des politiques qui ont encore cette vision-là. Et notamment, il y avait Jean-Marie Roche à Metz qui a vraiment fortement insisté pour que Jean-Marie Pelt le rejoigne. Et comme il dit, lui, il ne connaissait rien à la politique. Il ne savait pas comment gérer une mairie. Et il a découvert vraiment sur le tas. Et ça a été très important parce que oui, il a écrit 70 livres, oui, il a diffusé ses idées via la radio aussi, via son enseignement, via des conférences, mais le fait d'être premier adjoint à la mairie de Metz lui a permis de mettre toutes ses théories en application. Donc quand il est arrivé, c'était la grande période de on détruit tout ce qui est vieux, il y a des taudis, on rase la vieille ville, on détruit. Merci monsieur Mondon qui a vraiment introduit les bars et enfin les bars immeubles. Et qui avait des projets complètement déments. Quand Jean-Marie est arrivé, il racontait que dans l'un des plus anciens quartiers de Metz, la montagne Sainte-Geneviève, un architecte avait en tête de construire une nouvelle bibliothèque qui aurait la forme de l'Arche d'Alliance. Oui. Hein, avec l'Arche de Noé, pardon. L'Arche de Noé. Avec un mât tellement qu'il dépasserait le clocher de la cathédrale de Metz. Et pour ça, il fallait raser tous les immeubles de la montagne Sainte-Geneviève. Et s'il n'avait pas eu cet engagement, il n'aurait pas pu s'opposer à ce projet. Et aujourd'hui, la ville de Metz serait une ville complètement défigurée, au lieu de quoi c'est devenu une ville qui respire, qui a préservé tout son patrimoine. C'est une des trois villes de France, expliquait-il, où tous les styles architecturaux sont représentés depuis l'époque gauloise jusqu'à aujourd'hui. Il y a trois villes en France, je crois qu'il y avait Poitiers, Tours peut-être, je ne garantis pas. Mais c'est une des trois villes qui a cette configuration-là, grâce justement à ce travail de conservation du patrimoine. Et puis aussi tout le poumon vert de la ville qu'il a introduit, le plan d'eau. Metz est une ville qui respire aujourd'hui et qui est belle. Mmh. Alors, on va parler d'autre chose parce que le temps passe très très vite. Alors, je suis bavard. Non, il n'était pas tendre avec les scientifiques, leur reprochant leur manque d'approche spirituelle et d'éthique, en fait. Alors, il déplorait le fait que peu de scientifiques se posent la question « Que fera-t-on de ce que j'ai trouvé ?» Il était inquiet des nouvelles avancées, notamment par le clonage et la robotique. Oui, il disait toujours « C'est catastrophique, je n'ai pas le nouveau iPod, oui, Mac. » Et il se moquait très fort de cette course, parce qu'évidemment, c'est aussi une course à l'obsolescence. On fabrique des produits qui vont s'user très rapidement, qui vont être remplacés. Il faut toujours aller plus loin. Mais tout ça, ça crée des déchets. Et ces déchets, on en fait quoi? Et ça apporte quoi? Lui disait que aujourd'hui, on a une illusion, c'est celle de communiquer beaucoup plus facilement et de communiquer beaucoup plus et avec l'ensemble de la Terre. Alors oui, on peut aller sur Facebook, on peut aller sur Twitter, sur tous ces outils, ces réseaux, et communiquer, mais en définitive, on ne parle plus aux gens qui sont en face de nous, on ne regarde plus dans les yeux, on a des intermédiaires et on communique moins et on communique aussi beaucoup plus mal puisqu'on peut mettre n'importe quelle information sur ces sites. On peut diffuser des informations complètement mensongères, tronquées et on va avaler ça, on peut diffamer, on peut... Voilà. Et on se coupe finalement les uns des autres et on creuse des fossés entre les êtres qui croient qu'on les relie. Et puis évidemment, il y a toute cette notion d'éthique qui est importante pour lui. Et c'est pour ça qu'il reprochait aux physiciens, enfin aux scientifiques en général, de ne pas se poser la question de la finalité de leurs travaux, parce qu'ils oublient cette notion d'éthique. Mmh. Et pour lui, elle était vraiment au centre du débat. Ça devait vraiment être ce qui guide le scientifique. Que va-t-on faire de mes travaux? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça ne va pas faire de tort à la planète, aux hommes? C'est vraiment quelqu'un qui était un homme très bienveillant, très bienveillant, et un grand éveilleur de conscience. Et ça, c'est précieux, il n'y en a pas beaucoup. Oui, c'est vrai. Alors, il a laissé un message à la jeunesse en disant « Vous êtes différents de nous, vous êtes l'avenir, alors faites mieux que nous. Nous avons été très peu respectueux des grands équilibres naturels. Nous avons fondé notre économie sur un amour excessif de l'argent avec le dollar roi. Nous avons aussi produit une société terriblement individualiste. Faites mieux. Soyez plus conviviaux, pardon, les uns avec les autres. Aimez-vous les uns les autres. » Il croyait en la jeunesse ? Énormément. Énormément. Et je pense que là aussi, son expérience avec Robert Schumann, peut-être il y a eu un passage de témoin, là, parce qu'il me disait que quand il allait rencontrer Robert Schumann, celui-ci l'interrogeait souvent sur la jeunesse. Que pensent les jeunes de la guerre d'Algérie, par exemple? Que pensent les jeunes des colonies? Et donc, il lui transmettait son sentiment, puisque lui animait un groupe de jeunes. Voilà. Et Schumann en tenait compte. Et c'est ainsi que je pense que si on n'avait pas mis des bâtons dans les roues à Schumann à un certain moment, là je renvoie au documentaire qu'on a fait avec Patrick Basso sur Schumann, on n'aurait pas eu les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Parce que lui était pour l'indépendance des colonies, mais une indépendance construite en collaboration et pas au moyen de guerre. Et il disait, si on ne fait pas cette démarche avec eux, ça va finir dans un bain de sang. Et le bain de sang, on l'a eu, et on en paye encore les conséquences aujourd'hui. Bien sûr. Mais la politique prime sur l'humanisme. Alors, j'aime beaucoup la phrase de Jean-Marie Pelle qui dit « Je ne m'embarrasse pas de rancœur, elles ne font que pourrir l'existence. S'il y a une chose que je sais faire, c'est pardonner. » C'est beau, non? C'est très beau et c'est vrai. Je n'ai jamais entendu Jean-Marie dire du mal de qui que ce soit. C'est vraiment quelqu'un qui était toujours dans la bienveillance, dans la compréhension et qui, à la limite, aurait trouvé des excuses au diable lui-même. Parce qu'il y avait tellement d'amour et sans doute sa foi qui aussi l'animait beaucoup. Alors je suis navrée parce que là l'émission va se terminer. Alors merci à Paul Couturier d'être venu nous parler de sa biographie de Jean-Marie Pelt, L'âme de la nature, préfacée par Pierre Rabhi quand même, et du film documentaire Jean-Marie Pelt, le jardinier du bon Dieu, qui sera diffusé sur France 3 Lorraine Champagne Ardennes le lundi 12 décembre après le soir 3 et le vendredi 23 décembre à 20h50 sur TV Mirabel. Je conseille à tout le monde de lire cette biographie de Jean-Marie Pelt, de L'âme de la nature. Ça se lit très très bien et on apprend plein de choses. Merci Paul. Merci madame.